taxi qui partait de l'avant du boulevard. Une rue ici qui devait s'arrêter au bout des bâtiments de la Loire. Ah, oui. Là où il y a les rues, où il y a les quatre enfants qui passent. La rue Jean Voruse. Et de l'autre côté de cette rue, il y avait les chantiers de Bretagne. Donc qui étaient sur l'emplacement ici, là. Sur le parking qui est maintenant, c'était les chantiers de Bretagne. En fait, les chantiers de Bretagne étaient en deux parties. Il y avait une partie construction navale, qui était ici. Et de l'autre côté du boulevard, il y avait une grande partie aussi qui était les constructions mécaniques. Alors là, c'est autre chose. C'était, il y avait des tours, il y avait des fraiseuses, ils faisaient des turbines, ils faisaient un peu de tout. C'était la grosse chaudronnerie ici. C'était la construction mécanique. Les bateaux étaient faits ici. Alors ici, maintenant, on ne voit plus parce que les cales ont été comblées, là, les cales qu'il y avait sur au chantier de Bretagne. Par contre, on a réussi à en sauver deux, qu'on va aller voir, là, qui faisaient partie du chantier de la Loire. Alors personnellement, à la Bretagne, on rentrait là-bas, nous, en face de pont Transborder là-bas, qui était en face de pont, on rentrait là. Ici, ils ne rentraient même pas les ouvriers, c'était que les cadres et le bureau des saints qui rentraient ici à la Loire. Ils avaient la rue, ici il y avait des grilles, il y avait des marches, c'était fermé. Il y avait des grilles à chaque fenêtre, on s'est enlevé, disparu. Là, il y avait encore une autre grille devant. Et j'en parle ça un moment parce que mon oncle était gardien de vous là. Et c'était un ancien commissaire de police du 2e arrondissement. D'accord. Et nous, il nous voyait sortir parce qu'à la Bretagne, Johnny Bretagne qui parle là où il y a la fin des rails là, c'est très petit, donc tout est dans les rues à côté. Il y avait le magasin par exemple pour l'outillage, pour des câbles électriques, on allait dans la rue plus loin. Pour les constructions mécaniques, il y avait un magasin rouge. Où il y avait les télévisions, on appelait ça le magasin riche, on appelait ça, parce qu'il y avait les glaces, le matériel pour les bateaux. On pouvait sortir, les gardiens ne faisaient rien. Elle a l'ouvert que c'était fermé ici. Et bien. Sur le passage. Oui. Il y avait plein de bistrots. Alors qu'à la Loire, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient fermés, là. À la Loire, ils ne pouvaient pas sortir. Là, ils avaient c'était au bout. Ils avaient la gare de l'État au bout. Et ça fermait là. Eux, ils ne sortaient pas. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce que c'était dangereux. Une fois entrés, comme dans une usine, vous étiez renfermés. Il y avait des tas de. Tout était dedans. Ils sont tellement grands. Alors, donc, on pouvait se promener en dehors de l'entreprise. Il y avait direction ici, les trois nefs, où il y a l'éléphant, là, que vous avez dû voir. Les trois nefs, c'était atelier d'outillage de transformation de tôle. Puis tout le reste, c'était jusqu'aux Antilles. Là-bas, tout ça c'était la Loire, et fermé, donc ils n'avaient pas lieu à sortir. Il y avait des gardiens partout, et mon oncle qui était au bout, il me disait une fois, oh, si j'étais à la Bretagne, ben j'ai dit tonton, tu serais bien, il nous laisserait sortir, parce que pour lui, son rôle c'était d'interdire les gens de la Loire de sortir. Là c'était la rue Jean Voruse, ils ne pouvaient pas sortir. Et c'était ça le. Mais avait, vous donc, pouviez sortir ben, oui, ben, puisque. Parce qu'il fallait qu'on aille dans des magasins qui étaient en dehors de la boîte. Où il y a la mutuelle, le grand bâtiment marron. Nous irions. Et Michel, le grand bâtiment marron, vous l'appelez chez Compensac, là. Oui. C'est des vieux bâtiments en bois qui étaient des anciens machines engrais. C'est là qu'il y avait les câbles électriques, il y avait la menuiserie. La place où il y avait oui. La mutuelle, là. C'était des bâtiments. Où il y a la maison derrière, là-bas. Oui, pas les justices. C'était l'entretien. J'ai tout ça là-dedans. Moi, j'ai tout marqué. On allait là-bas, les gardiens nous laissaient sortir. On allait charger le matériel là-bas. Alors qu'à la Loire, ils avaient tout dedans. Tout était fermé ici. Alors c'est ça que cet esprit, quand il y a eu la fusion Loire-Bretagne, que les deux chantiers en 60 sont mélangés, ça n'a pas dit tout seul. Parce que les gars à Loire, ils commençaient à sortir. Et puis, ben, on va sortir, nous aussi. Et là, on n'avait plus le droit d'être de côté. Donc en face, ça c'était le chantier de Bretagne. On va pas vous expliquer, je me rappelle plus comment c'était foutu parce que. C'est quoi la différence entre les deux chantiers? En fait, c'était là le mur, le grand mur de hauteur. Ouais, voilà. Et il n'y avait pas. Rue, il n'y avait pas d'entrée. Le mur de hauteur ici. Le mur était là. Mais alors, ces rails permettaient quoi alors? C'est pas des rails, c'est pour faire les morceaux de bâton. Quand vous mettez une tôle par terre, par exemple, vous faites un bloc, la tôle, si vous la soudez, elle se tortille et tout. Donc, la tôle était posée là-dessus. À chaque endroit où on prenait la tôle, il y avait qu'on appelait ça un étrier. C'est une petite patte qu'on soudait, qui tenait la tôle pour l'empêcher de se tordre. Donc, il fallait absolument quelque chose de plat. Il y en a derrière partout. Là-bas, on appelait ça la préfabrication. Comme là, sur les tôles, c'était pour souder. Les étriers, ça, on appelait ça même un petit cheval. Ça faisait une patte comme ça, hop là, soudé, et avec un coin qui glisse en dessous, ça empêchait la tôle de se soulever. Ça n'empêche pas que, en soudant, la tôle se tendait partout. Alors, après, une fois monté à bord, il y a des gars là, on appelait ça des formeurs, qui à longueur de journée tapaient sur les tôles pour les remettre d'aplomb. Autrement, on voyait les côtes du bateau à plein. Donc, ce qui explique partout ces machines de ferraille, c'est pas des rails, c'est pour former dessus les morceaux de blocs. Un petit bout de l'avant, un petit bout de l'arrière. Il y avait des bâtiments qui étaient au-dessus. Oui, les bâtiments étaient là, mais on n'avait pas en fait de sortie ici, à part une porte. qui donnait la centrale électrique. Ouais. Parce qu'il y a un gars qui a été licencié à cause de ça. Parce qu'un dimanche matin, il venait mettre le courant. Et un gardien de la Loire qui était là, l'a vu sortir. Et en fait, il se chauffait chez lui ses bouteilles de gaz. Le dimanche matin, quand il venait, il sortait les bouteilles de gaz dans la petite rue derrière, il n'y a pas de gardien. Il mettait une bouteille pleine, une bouteille vide. Et un gardien de la Loire qui est là, l'a dénoncé. Alors, il y a eu une fouille chez lui, ils avaient 3-4 bouts de corbe, des machins comme ça, puis la bouteille, et s'était mis au garage à vélo d'avant pour avoir l'électricien à voler du gaz pendant X années. Ah, à ce moment-là, c'est la seule porte qu'il y avait, parce qu'il pouvait. C'était une porte de secours qui était la centrale électrique qui donnait dans la rue Jean Brune. Autrement, il fallait sortir que devant le gardien à la Borgo. Nous, on n'avait qu'une sortie en fait. Et puis au point des soupirs. Parce que là où vous, là, comme il y avait au chantier. C'est des... tout l'inverse, parce que là l'espace est complètement ouvert de partout. Et... Ah bah là, bah, oui, ils ont tout. C'était pratiquement couvert les ateliers. Ah oui, c'était recouvert de bâtiments. Oui. Comme quand il y avait après même fusion de la Bretagne, on pouvait aller parce que d'ici, là, vu qu'aux Antilles, en que des petits bouts de passage, on sortait d'un hall pour entrer dans l'autre. Ah, non, il y avait des passages pour les camions et tout. C'était tout couvert le bâtiment. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit d'ailleurs les trois nefs qu'il y a là, ben, il y en avait 17 hein, jusqu'au bout, ça venait jusque derrière, d'un bout à l'autre c'était couvert. Et c'est ça aujourd'hui, ben, les gens ils voient ça, ben, comme des gens on voit, mais non, on voit. Moi je vois les halls comme si j'étais encore, des grands ateliers, mais il n'y a plus rien. Là on est dans le. Et quand est-ce qu'ils ont détruit montagne, tout ça pardon. Ah ben le chantier a fermé en 1987, ouais. Et après ils ont tout viré, ils ont. Sauf ça, ils ont tout cassé, ça devait être démoli, ça. Quand je vous dis, ça devait être démoli. Il n'y avait plus de porte. Mais on s'est battu, nous, pour le conserver, et c'est pour ça que c'est resté, qu'on a eu droit à une partie du bâtiment ici. On a notre association. Autrement, c'était prévu de démolir. Oh, il devait faire un centre international de commerce. Et de... Quand le chantier a fermé. Un an avant, 86. L'association s'est créée. On s'est battu d'ailleurs. On est déjà un peu en bisbille avec le maire de Nantes. Bah nous, parce que le maire de Nantes, il en a ras le bol de la Naval. Ça fait que vous avez 86. On est des anciens. 86, ça fait donc. 14, ça fait 24 ans qu'on emmerde le maire de Nantes. Pas beaucoup de choses, bien sûr. En fait, on a toujours des demandes à faire. Parce que même les trois nefs qui restent là, qui appartenaient à la Loire, oui. C'était côté Loire, ça, c'est pas la Bretagne. Hein. Côté Loire, ils avaient prévu de les démolir, ouais. Pour le cirque Amar qui venait toujours place Petite-Hollande. Là. Ils avaient prévu une zone de loisirs ici pour faire le cirque Amar. Et nous, on avait dit, on aimerait bien faire un musée de l'histoire ouvrière de Nantes, à Mieux, qui était les conserves, Champenaire, Raffinerie, les PTT qui venaient aussi, nous là-dedans. Et puis, maire de Nantes avait dit, ah oui, mais il y a assez de musées à Nantes comme ça et tout. Bon, ils avaient prévu de le démolir quand même. Finalement, ils l'ont gardé. Et en fait, nous, maintenant, on n'a rien du tout, puisque c'est l'éléphant et puis... Ouais, puis là, pour aller voir les trucs, bécanes spéciales qui sont en train de faire, l'éléphant, ils sont en train de faire des tas de trucs, là. Ouais. Ben, nous, si on veut aller les voir, il faut qu'on paye. Oui, c'est pour ça que je vais aller. Allez, on est chez nous. Quand est-ce qu'a été prise la décision, au bout du compte, de reconsidérer cette ville pour complètement la reconstruire et la... Ah, alors là, c'est pas pour un an, hein, parce que c'est quand ici, ça c'est pas pour un an, non, ça, parce ça. Que, attendez, il y avait une grande société qui avait décidé de faire un centre international de commerce. Qui s'est pour faire Bruxelles, maintenant, je sais pourquoi, là, ils voulaient faire ça dans le milieu. La ville de Nantes était presque prête, et puis après, ils ont dit, on va faire que des immeubles jusqu'au bout, hein, c'était prévu des grands immeubles, là, et puis en fait, ça s'est pas fait, puisque à force de discuter, bon, on va faire un plein de loisirs. Et ça, je vous dis, c'est pas des rails, c'est donc là-dessus qu'on mettait les pédalos à la place, ouais. Qu'on soudait les verticales dessus. Alors, si vous soudez une verticale hein, sur un plat, automatiquement, la tôle, la gondole, alors pour empêcher qu'elle se gondole, il fallait bien les tenir. Hein. Et alors donc, les projets immobiliers les... Alors, le projet immobilier, ça n'a pas pu... Ça n'a pas trop marché, parce que, en fait, nous, on a reçu des bons mal. Et on a été entendu quand même, puisque maintenant, ben, c'est un grand parking. Même, c'est un peu mort, trop de béton. Alors, voilà. Deux cas, il y avait deux cas. Oui, il n'y en a qu'une là pour l'instant, je montre. Non, il y a les deux, l'une à côté de l'autre, Michel. Oui, non, pas celle-là qu'on voit là. Ah ben oui, après, qu'il y a celle-là. Ouais. C'est la cave couverte, c'est-à-dire qu'elle était recouverte par un bâtiment, par un toit quoi. Qui était et c'est. Et ces trucs-là, cette cale-là servait à faire des constructions militaires. Il fallait que ça soit caché. C'était idiot, mais enfin, c'est comme ça. Après, pas qu'ils ont une goutte de ah, non, il aurait coulé. Et le dernier bateau qui a été fait ici, c'est le Bougainville, qui a été fait, il a été lancé en 86, oui, ou 7, 6, 86. Il a été fait dans cette cale couverte, là, également. Et après, terminé en Valentin. Alors, le toit a été vendu, je sais pas où c'est qu'il est rendu, là-bas. C'est pas un machin qui l'a acheté, le toit, là. À l'Orient. La cale couverte, oui. Ça, c'est les piliers, d'ailleurs, qui sont restés. Les piliers de la cale couverte, c'était là. Mais la différence entre le chantier de Bretagne et le chantier de la Lande, c'était quoi? La différence entre chantier de Bretagne et chantier de la Loire. Bah, on faisait la même chose, on faisait des bateaux. Nous on avait trois cales, ils en avaient quatre, mais ça servait pas tout, ils venaient pour quatre bateaux d'un coup. On faisait comme les chantiers de la Loire, on faisait des bateaux. Nous à la Bretagne, on faisait le bateau ici, et l'autre côté où il n'y a pas de justice, les ateliers maintenant en CB, les halles, on faisait les moteurs nous-mêmes. Les turbines, les réducteurs, on faisait même. Alors qu'à la Loire, ils faisaient les bateaux, mais ils montaient simplement. Ils ne faisaient pas les moteurs, ni les turbines et tout. C'est pour ça qu'on appelait ça les CM, construction mécanique. Les diesels Suisair, on avait parlé des diesels Suisair, étaient faits en face au CM. Et donc on faisait les bateaux dehors de Cazette. Parce que en 60. De la Loire, était plus grand que nous. Mais moins que nous. Mieux équipés. Ah, que nous. Maintenant mieux équipés. C'est pour ça qu'on a conservé le Titan là, de 80 tonnes. Ça, c'était le chantier de la Loire. On est sur les champs. Ça va s'arrêter là. On va à l'autre pilier, ça s'arrêtait là, la chantier de Bretagne. Mais pourquoi ils n'ont pas fait un unique chantier? Parce que à ce moment-là, il y avait l'aide à la construction navale. Oui. Et l'État a dit, oh là là, il y a un chantier du Bigeon, chantier de Bretagne, chantier de la Loire, pour qu'on puisse donner des sous, parce qu'ils nous... En fait, l'aide à la construction navale, il paraît, à ce moment-là, on le sait depuis, c'est pratiquement l'État qui payait tous nos salaires. On n'est pas dans le secret des finances, non, parce que... Mais c'était ça, un peu, l'histoire. On a fusionné avec la Loire, là, c'est là qu'on... Ils ont dit, vous allez fusionner pour faire qu'un seul chantier. On est devenu atelier chantier de Nantes. Parce que c'était privé, en fait, au début. Ça a toujours été privé. Mais ça, c'était les banques. C'est parce que notre directeur, après, il s'appelait Savary. Hein, il était par la banque Paribas. Il était mis là simplement pour gérer l'argent qui est donné par les banques, par l'État. Bien beau jour, il est devenu directeur. Il ne connaissait rien, mais ça ne veut rien. Parce que tous les chantiers de construction navale en France, pas exactement tout, mais pratiquement la main-d'œuvre pour construire les bateaux, était payé par l'État. Parce que chaque commande de bateau, pour avoir la commande, il y avait une subvention de l'État. Autrement, on n'avait pas la commande parce qu'il y a eu le pognon. Donc l'État subventionnait les bateaux à chaque commande, et ça servait à payer les salaires des gars. Ouais. Oui, pareil, c'est vrai que le salaire était entièrement payé par l'État, mais on ne savait pas à ce moment-là. Quand on réclamait des sous, pas question, on veut 5%, 5%, 2, on veut 4, 2,5, on veut pas, 3, ça sera 2,75. La CFDT est signée. Et les syndicats n'étaient pas au courant. Les chantiers, les directions des chantiers, le chantier ne leur appartenait pas, ils étaient payés par les banques. Et c'est à eux de gérer le fric du chantier, c'est tout, le directeur, la boîte n'était pas à lui. C'est les terrains qui appartenaient, il y a une partie qui... Attention, nous allons arriver, nous allons franchir, nous allons sortir à 3 mètres de là, des chantiers de Bretagne, pour arriver au chantier de la Loire. Parce que voilà, les cales de lancement étaient là, ici il y avait un grand mur, à gauche c'était la Loire. Voilà. Et là, il y avait donc ces deux cales ici, plus deux autres là en biais. Ils avaient quatre cales. Ça fait pas longtemps d'ailleurs qu'ils les ont comblés. Il y a le petit bout qui paraît. Ils les ont démolis là pour faire de la place, un terre-plein. Mais chantier de Bretagne, arrêtez là. Là, il y avait une grille pour simplement pour parce les trains de. Il y a eu un architecte qui a été nommé pour, aménager l'île de Nantes, cette partie de l'île de Nantes. Il y a eu Chemetov, voilà. Alors maintenant, il y en a, qui c'est qui va venir maintenant? Il y en a un autre qui va venir parce que. Il y a plusieurs, c'est le temps. On se bat avec ces mecs-là parce que ils ont amené ce truc-là. Là. C'est une ancienne station-service. Qu'est-ce que ça fout là? Ça, on n'en sait rien. Ça n'a rien à voir avec la construction. Pour l'estuaire, c'est une cabane à essence de La Rochelle, si je veux dire. Station d'essence. On a su qu'ils allaient faire un éléphant. Mais on est un éléphant. Avec la construction d'aval, que ça vient foutre là-dedans. maintenant, si, on est quand même pas mécontents parce que pour la bonne raison, comme c'est les vacances en plus, c'est pour ça qu'il y a plein de monde. Les gosses viennent. Et beaucoup de gens viennent sur le site et viennent nous. voir. Voilà. C'est vrai. D'accord. On a davantage de monde. On verra si on a le temps. On a une exposition permanente. On vous fera voir après qu'on a fait le tour. Là. Voilà. Et sinon, on avait rencontré il y a quelques années un docker. Un docker, ah bon. Qui nous expliquait qu'à l'époque, eux, justement, au début, ils étaient indépendants. Ah, les dockers, oui, bien sûr, les dockers. Et oui. Après, on les a obligés à se salarier. Oui, parce que ce qu'il y a, les dockers, ils étaient d'abord, le mec qui était sérieux dans ce boulot-là, sa métier était très dur, maintenant, plus maintenant, parce que maintenant tout est mécanique, hein, le chargement et déchargement des bateaux. Mais disons que le type qui était sérieux, il gagnait très très bien sa vie. Et les trois quarts du temps, il restait chez lui, il venait bosser que quand il savait qu'il y avait des bateaux qui arrivaient pour les décharger. Ils étaient à ce moment-là pratiquement indépendants, oui. Et après, ben, on les a peut-être obligés à devenir... Vous n'étiez pas indépendants. Nous, on n'avait rien à voir avec les dockers. Hein. Ah non, on n'était pas indépendants. Nous, on faisait 10 heures par jour, 53 heures par semaine. On pointait, il n'y a pas de problème. Ça, si on n'était pas là, on n'était pas payé. Hein. C'était une entreprise comme toutes les entreprises. Alors là, on était dehors encore, mais à 5 mètres de là, on va être à l'abri. Les ateliers commençaient là. Les ateliers commençaient là. Oui, ben. Alors vous étiez au chantier de Bretagne. Chantier de Bretagne. Oui, mais moi aussi. À la fusion Loire-Bretagne. Et vous étiez à la Loire parfois, mais après, alors, en 60, j'étais à bord encore, c'est les bateaux. Alors après, là, il y a eu 2 ans ou 3 ans de balancement parce que les deux chantiers hein, qui vivaient chacun de leur côté, quand il y a eu ce mélange, il ne s'est pas fait facilement. Il y avait 3 infirmeries, 3 caisses, il y avait les ateliers de la Loire de ce côté-là, là, la Bretagne, et en dessous, le Niéol, là, on vient de passer, ils avaient fait un trou dans le pont, on appelait ça le passage Pommeret. Parce que la dernière nef, là où il y avait la formation, on passait par là pour aller à la Loire, à la Bretagne. Et moi, je retournais à mon vestiaire Bretagne, et puis à 2 ans, on dit, ah ben maintenant, tu travailles à bord de la Loire, les bateaux de là, qui ira au vestiaire des Antilles. Après